C'est fou 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage pour toi aujourd'hui. Spéciale d'Assemblage requis. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Et on vous parvient des studios de C'est fou à Trois-Rivières. Exactement. Voilà. Salut, Tania. Ça va bien? Oui, on est là pour l'édition spéciale aujourd'hui. Une émission dédiée à la meilleure musique qu'on a jouée pendant l'année 2017. Donc, on appelle ça la rétrospective 2017 des palmarès C'est fou 89,1 FM. C'est bien ça. C'est un titre qui est long, mais qui en dit beaucoup. Ben, en fait, je peux vous le dire, c'est rétrospective 2017 des palmarès C'est fou 89 FM, C'est fou 89.1 FM, Charts of the Year 2017. Exactement. C'est ça, l'émission. Ça ressemble à ça pas mal. mettons les gens en contexte un petit peu de qu'est-ce que c'est les palmarès de C'est fou 89,1 FM. C'est plus complexe que ça en a l'air oui. en surface. Il faut l'expliquer un petit peu parce que, bon, en fait, là, on va vous faire la rétrospective. Donc, c'est pas nécessairement un top 20, c'est pas nécessairement un top 10, c'est un top 25. De chaque côté. De chaque côté. En plus d'un top 25 loud. Exactement, mais c'est pas parce qu'il y a une position 25 qu'il a mal terminé. Non. Contrairement à d'autres chansons, c'est plutôt ça fonctionne par palmarès et non pas par semaine, sachez-le. On va faire une formule mathématique. On va commencer par qu'est-ce que c'est un palmarès sur une période donnée. Okay. Exactement. Un palmarès, ça peut être sur une semaine, ça peut être sur deux semaines, ça peut être sur trois semaines, ça peut être sur un mois, ça peut être Exactement. Sur un mois et demi. Je pourrais continuer longtemps comme ça. Ça dépend du moment de l'année. Ça dépend, est-ce qu'on est l'été? Est-ce qu'on est en début de session? Est-ce qu'on est entre les fêtes et le jour de l'an? Qu'est-ce qui se passe? Et un palmarès est monté de la façon suivante. Les pièces sont insérées dans le palmarès de façon subtile par le directeur musical, le directeur de la programmation, oui. Alain Lefebvre. Et ensuite, les pièces, elles sont laissées à elles-mêmes. Donc, oui. les animateurs de ces fous peuvent les jouer, peuvent ne pas les jouer, peuvent les faire jouer plus souvent. Et c'est ce qui donne un palmarès de semaine en semaine. Les pièces montent et descendent par rapport au nombre de fois qu'elles ont joué. Exactement, par rapport aux animateurs. Ceux qui ont décidé de les faire jouer ou ceux qui ont décidé de ne pas les faire jouer pour X raisons. Et voilà, donc on compte le nombre de fois qu'elles ont joué. Une fois que les palmarès sont complétés de semaine en semaine, l'année continue, blablabla, on arrive à la fin de l'année et là, qu'est-ce qu'on fait? Là, ça se corse encore plus. Ah, exactement. C'est qu'on compte le nombre de semaines, mais on met ça entre guillemets, des palmarès. Ouais. Un palmarès, comme je dis, ça peut durer une semaine comme ça peut durer un mois et demi, deux mois. Donc, c'est le nombre de palmarès que les pièces ont duré. Donc, c'est pas un nombre de semaines. Non. Donc, une pièce qui a duré 9 semaines, ça peut être qu'elle était là pendant 3 mois. Exactement. Et une autre pièce qui a duré, elle, 8 semaines, ça peut être vraiment 8 semaines. C'est en plein ça. Ça dépend. Donc, ça veut comme pas dire grand-chose. Mathématiquement parlant, mettons, c'est plutôt... arbitraire. Pêle-mêle. C'est pêle-mêle. C'est ça, exactement. C'est pêle-mêle, c'est fou. C'est en plein ça. C'est ce qu'on veut dire. Donc, une fois que ça s'est mis au clair, ça nous donne quand même une liste. Oui. De 25 pièces francophones, 25 pièces anglophones et 25 pièces loud. On va mentionner seulement en fait, c'est des albums, loud, pas des pièces. On va seulement mentionner le top loud parce que, comme je disais, c'est pas des pièces, donc on n'a pas vraiment grand-chose à vous faire jouer, à moins d'écouter chaque pièce. Donc, on va le survoler tout au long de l'émission. Et ce qu'on va faire pour commencer, on a 3 heures ensemble devant nous dans cette édition spéciale. On va commencer par le bas et on va sauter des pièces pour réussir à se rendre jusqu'au sommet dans 3 heures. Ça ressemble à ça pas mal. C'est le plan de match pour aujourd'hui. Alors, on va faire des blocs 3/4, c'est-à-dire des blocs où on joue 3 pièces sur 4 pour commencer. Du côté anglophone, dont je vais m'occuper, toi, tu vas t'occuper du côté francophone. Ça ressemble tout à ça. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Ben, c'est ça. Donc, moi, du côté anglophone, je vais vous faire jouer Steven Wilson avec Permanating sur l'album To The Bone qui a été numéro 1 en octobre 2017. Mais du côté francophone, en fait, on va sauter la 25e position qui est la mystification de Nicolet. On est resté au palmarès pendant 7 palmarès. Tu vois, on vient d'expliquer puis on comprend quand même. C'est ça, exactement. Côté de la 24e place, plus tard, on va entendre White Horse avec Pink Kimono qui a été numéro 1 du mois de juillet au mois de septembre. Ça donne 7 palmarès. Et du côté francophone, on va commencer tout ça avec les Michel et Tôle Froide qui est resté pendant 7 palmarès, mais qui a été numéro 1 du 18 au 24 septembre. Voilà, donc on écoute tout ça et puis on s'en reparle après. On va suivre ça et on va vous raconter tout ce qui s'est passé à chaque bloc. Vous écoutez Assemblage requis et une édition très, très, très particulièrement spéciale, je vous dirais. Mm-hmm. I got things, things, things I wanna do to you. Avec un pink kimono sur l'album Panther in the Dollhouse. C'était numéro 1 entre juillet et septembre. Et avant ça, on a entendu les Michel avec Tôle froide du côté francophone. Et avant ça, du côté anglophone, en 25e place, Steven Wilson avec Permanating qui a duré 7 palmarès. Et on se rappelle qu'on a sauté par-dessus Nicolas et la mystification du côté francophone. Absolument. Le prochain bloc va être un petit peu plus simple parce qu'on sautera rien. Hein? C'est en fait ça. En anglophone, plus tard, il y aura The Sadies et Lesbo Vrouven. Il va aussi y avoir les Dales Hour Chuck avec Lemmy qui est en 22e position. Restons palmarès pendant 7 palmarès, ben en oui. fait. Et on a été top 1 du 27 février au 5 mars. Oh, mais c'est bon pour eux, ouais, ça. Ouais, quand même. On commence en francophone. Oui, avec Paupières et Défunte Lune de Miel. Avec les deux luxes. T'as bien raison, les deux luxes et Diable du Printemps. You see in the sky. Hey boy. C'est un sondage requis édition spéciale. Au 89 FM. Yeah.

like April rain. Now and then I think about the river view. Through a blue foggy haze, I'll bet you miss it too. But I know that you're where you need to be, out in the country. Purple's gone, out to the great beyond. Orange is by your side to help avoid the outside. Just checking in, nothing much with me is new. I'll check again in another month or two. But I thought I'd let you know you're on my mind, with no curse of time. I listened to some of our records yesterday. If you wanted to, I'll come up there and play. But I know that's not where you're at today. Stay calm in your quiet getaway. Long gone are the days, they've all passed away. Gone are the days, they've all passed away. Oh yeah. The Cities avec Riverview Fog qui a duré 7 semaines au palmarès de C'est fou et ça, ça a été numéro 1 ça, au mois de mai 2017. Et avant ça, on a entendu les Dales Hour Chuck avec Lemmy qui est resté 7 semaines au palmarès. Ben, 7 semaines. 7 palmarès, oui. Au palmarès. Et on a été en première position du 27 février au 5 mars. Avant ça, il y a eu Lesbo Vrouven avec Coloris qui a duré 7 semaines aussi qui a été numéro 1 en mars. Et les deux luxes sont restés là aussi pendant 7 semaines avec Diable du Printemps et première position du 24 avril au 7 mai. Oh! Oui? Du côté Assemblage Rocky, édition spéciale, rétrospective 2017 des palmarès C'est fou 89,1 FM, C'est fou 89,1 FM, Charts of the Year 2017. Exactement. C'est le titre? Oui. Hein? Ouais. Pour ça qu'on dit une édition spéciale d'Assemblage Rocky, c'est plus simple pour tout le monde. C'est vraiment plus simple pour tout le monde. prochain bloc, on va sauter par-dessus les 21e places. En anglophone, on n'entendra pas Drive-By Truckers avec Surrender Under Protest sur l'album American Band. Et on n'entendra pas non plus du côté francophone Paupières avec Défunt Lune de miel parce qu'on la saute, mesdames, messieurs. Ben, Colin, que oui. On va seulement faire un petit bloc de deux. Oui. Petit bloc bien simple. Du côté anglophone, la 20e, ce sera Heat avec la pièce Lush sur l'album Overnight qui a été numéro 1 pendant 7 palmarès en février. Et du côté francophone, eh bien, c'est Rosie Valeur avec Synchro qui est resté là pendant 8 semaines pardon, et qui a été en 6e position du 23 au 29 août. C'est Assemblage Rocky. 89 ans, en fait. Ça brille sur ma peau, ça danse autour et te salit sur ma langue, fait griller mes jambes, tendre mes hanches, tordre mon cou. À nous de la paix. Pièce Lush de Heat sur l'album Overnight, qui a été numéro 1 en février 2017. Du côté francophone, eh bien, on a entendu Rosie Valant avec Synchro, qui est, elle n'est pas montée plus haut que la 6e position. Ben non. C'est des choses qui arrivent. Ben. Alors, on va sauter plusieurs affaires tantôt. Là, pour l'instant, on reste là où on est rendu. On saute rien. Exact. Là, on passe aux positions numéro 19. En anglophone, je vous ferai entendre Ostra avec Utopia, qui a été numéro 1 pendant le mois de mars. Exactement. Et moi, je vous fais entendre Juste Robert avec L'Embâcle. Oh, c'est dans l'Assemblage Rocky, édition spéciale. Yo, un gars, pied de l'escalier. Yo. Sa maison s'effrite, la roche mère sous sa maison, près de l'aube rivière, il y a la vie, et il y a ta vie, et près de l'aube rivière, il y a ton corps. Inutile de frais. La roche mère sous ta maison s'effrite. La roche mère sous ta maison. Et près de l'ombre rivière. Il y a ton cul. Et il y a ta peau. Et près de l'ombre rivière. Ça, mais non, bon. J'y ramasse les débris. D'une rivière qui a le moton. Ultra avec Utopia, qui était là pendant 7 palmarès. C'était numéro 1, ça, au mois de mars 2017. Et du côté francophone, encore une fois, on n'est pas monté plus haut que la 6e position pour Juste Robert avec L'Embâcle, qui est resté numéro 6 pendant 2 semaines, du 28 novembre au 11 décembre 2016. Pour faire changement, on va sauter par-dessus plusieurs affaires. On va sauter par-dessus les 2 prochaines positions. Donc, en 18e anglophone, on va sauter par-dessus des Evaporators avec I Can't Be Shaved. Du côté francophone, on saute par-dessus Québec Redneck Bluegrass Project avec Bien-être Tour. En 17e anglophone, on saute par-dessus Queens of the Stone Age et la quand même assez récente Feed Don't Fail Me, qui était numéro 1 en septembre et octobre. Et du côté francophone, on saute par-dessus Je suis brûlé de Canaille en 17e position. Tout ça pour aller aux 16e place. En anglophone, Royal Canoe avec Bicycle a duré 8 semaines, mais étrangement, je comprends. Il y a bien des affaires que je comprends pas dans la vie. Tu sais, toi aussi. Mais ça s'est rendu. Genre, comment détruire des photos sur Facebook? Genre, c'est compliqué, pareil. Hey, hein? Faut qu'on ait sur notre 16, c'est plus simple que sur l'ordi. C'est incroyable. C'est quoi le rapport? Bref, Bicycle qui a pas atteint plus que la 7e place malgré ses 8 semaines de présence. Oh! Ça a été numéro 7, donc, en décembre 2016 et début janvier 2017. Écoute, 8 semaines de présence pour Corridor avec Coup d'épée, mais on est monté jusqu'à la 3e position, d'ailleurs, du 2 au 8 octobre. Député, une édition spéciale d'Assemblage requis sur la rétrospective 2017 des palmarès C'est fou 89,1 FM, C'est fou 89.1 FM, Charts of the Year 2017 au 89 FM. De la barre qui coule tellement ouais, ça. Ouais, je sais, j'en doute même pas. Yes. to mine. I blush so bright that I glow, glow. You made me swallow up a butterfly, and all I want is to catch a cannon, catch a cannon. There's a bedsheet pillowing, clipped on with a clothespin. I'll make you shudder like a camera when you see me lift the mountain like a smoking gun. Catch me cause you're slower than an Oscar. Wanna know a secret you can keep it if you never tell. Un band que j'adore, Royal Canoe avec Bicycle. C'est la position numéro 16 de l'année. Ça a été là pendant 8 palmarès et ça a atteint la 7e place en décembre et janvier. Et la 16e position francophone, eh bien, c'était Coup d'épée, oui, avec de Corridor, qui est resté là pendant 8 semaines, ou du moins 8 palmarès, qui est monté jusqu'à la 3e place. Ouais, ouais, ouais. On est rendu presque au tiers de notre émission spéciale d'Assemblage requis sur la rétrospective 2017. On est rendu en 15e place. Teen Anger sera en anglophone avec Fun Forgot, qui s'est rendu jusqu'au numéro 4 en octobre. Mais on commence tout ça avec De la Reine et l'Impérative. Si, Triss, pas mal sûr que ouais, c'est l'Impératrice. Ouais, moi aussi, l'Impératrice. Peut-être, je sais. Peut-être, en troisième position, qui est montée jusqu'à la troisième oui. position. Oui. Cet assemblage requis. Au 89.5. We'll be right back. C'est fou! 89. Forgot, qui a duré 8 semaines dans les palmarès cette année. Ça s'est rendu jusqu'au numéro 4 en octobre dernier. Et oui, et tout à l'heure, eh bien, non, c'était bien écrit sur la feuille, Mathieu. Oui. C'était bien l'impérative de la reine qui est en 15e position, qui s'est montée jusqu'en 3e place, qui est restée là stable du 13 au 19 février. La chose importante, c'est qu'on avait tous les deux tort, parce que je exactement pensais aussi que c'était l'impératrice. Merci de le mentionner. On travaille ensemble, on est là ensemble, on est là, on est partner. Oui, exactement. Le prochain bloc, on peut se permettre, Tania, de jouer les quatre pièces, les deux prochaines positions en même temps. Donc plus tard, je te ferai entendre Ben Sinister ainsi que Japan Droids. Tout à l'heure, je te ferai entendre Bardo avec Au-delà, qui est en 13e position francophone. Ah, mais commençons en francophone aussi. Ben oui. D'accord, Peter et bien réel. Ben oui, pourquoi pas. Ben c'est, oui. Vous êtes à l'assemblage requis, c'est une édition spéciale. C'est comme ça que ça se passe. Rétrospective 2017. Exactement. Ben oui. J'ai retrouvé sous mes ongles de la terre celle d'un endroit où je n'ai jamais été. «

sorcière. Ces mondes m'appellent. Ces mondes m'appellent. Yeah. up in these fast times and I feel left behind. If only I could speak my heart, say what's on my mind. Ben Sinister avec Move a Little Slower qui s'est rendu jusqu'au numéro 1 pendant le mois d'octobre. Ça a duré 8 semaines dans les palmarès de C'est Fou. Du côté francophone, on est resté pendant 8 semaines aussi, mais en deuxième position pour Bardo avec Au-delà du 5 au 11 décembre 2016. Avancé en 14e anglophone, Japan Droids avec Near to the Wild Heart of Life sur l'album du même nom. Ça a été numéro 2 seulement pendant le mois de mars. Et du côté francophone, en 14e place, c'était Bien Réel de Peter Peter de l'album Noir Eden qui restait là en deuxième position du 6 au 12 mars. Oh oui! Alors on est rendu pas mal à mi-chemin, hein, je comptais ça, ouais. Avec mon talent mathématique incompréhensiblement... mauvais. Nul, ouais, c'est ça. Donc, j'ai compté, on a un top 25 francophone et un top 25 anglophone. Ça fait 50 chansons. C'est bien ça. 25 divisé en 2. Oui. Ça fait 12,5. Mm-hmm. Donc, on est rendu pas mal exactement à la moitié de nos palmarès. Ça ressemble pas mal à ça. Et en plus, il est comme rendu la moitié de l'émission. Oui. Donc, moment parfait pour s'arrêter et remettre en contexte. N'est-ce pas? Bonne idée. Parce que les gens sont là puis nous textent au... sur nous texte à un numéro de téléphone fictif, le 555. Et nous demande, mais c'est quoi ça les palmarès? C'est fou, c'est quoi ça? Comment ça se passe? Ces palmarès-là, la rétrospective, parce que vous êtes dans la rétrospective en ce moment de l'année 2017 du côté musical, dans une édition spéciale d'Assemblage Requis. Qu'est-ce que c'est? Ben, les palmarès de C'est fou, c'est notre directeur de la programmation, directeur musical, Alain Lefebvre, qui insère des pièces comme nouvelles entrées chaque semaine. Les animateurs ont le loisir de les faire jouer ou pas, et les pièces qu'ils jouent, ben, on compte le nombre de fois et ça finit par monter. Et ensuite de ça, à la fin de l'année, on compile le nombre de semaines ou de palmarès, parce que les palmarès peuvent être aux semaines, aux mois, peu importe, ça dépend du moment de l'année. On compte le nombre de semaines et c'est ce que ça donne. C'est la rétrospective 2017 des palmarès C'est fou 89.fm, et c'est ce qu'on fait en ce moment pendant 3 heures. C'est une émission spéciale des fêtes. Oui. Est-ce que c'est clair? C'est en tout cas, pour moi, c'est bien clair. Bon, j'ai pris à peu près genre le quart du temps que ça nous avait pris en début d'émission. c'est parfait. J'ai résumé la chose. T'as c'est bien fait ça. Merci beaucoup. On est rendu aux prochaines positions, c'est-à-dire les 12e. En anglophone, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu ça. Ça a été numéro 1 au mois de novembre et de décembre 2016. OK. Ça fait vraiment longtemps, on parle d'il y a un an et quelques, mais c'était très bon. C'était Tania Tegak featuring Shad avec Center. Et ça, c'est donc en position numéro 12 de l'année. Ça a duré 8 semaines, 8 palmarès. Sur l'album du même nom en francophone, en 12e position, c'est Mary Davidson avec Adieu Dance Floor. Oh yeah, c'est Assemblage Requis. Au 89 FM. Édition spéciale. Ben oui, certainement. C'est tout le temps spécial. Tout le temps spécial. C'est très spécial. Mais là, c'est super spécial. Pas la peine de nous faire des histoires. Je n'ai pas besoin de dessin pour m'y retrouver. Je sens monter la frénésie des vendredis soirs. J'étouffe. Quel gâchis.

Center of the earth, entering the entrance of a birth. Remember to remember is to enter in reverse. To the center, the center of the center of the dot and disperse. The dust in the wind to a dust in the earth. The universe of the dot at the center of the person. The circle never stops from the first rock drop to forever like dot, dot, dot, dot, dot, dot. La pièce Center, techniquement de Tania Tagak, mais c'est pas mal plus Chad qui chante sur cette chanson-là. Tania Tagak fait les pop, pop, pop, pop, pop. Ça ressemble pas mal à ça. Et du côté de francophone, eh bien, c'était Mary Davidson avec Adieu Dance Floor. Oui, Chad, le même Chad qui animait l'émission Q sur la CBC et qui était retiré et remplacé par Tom Power en août 2016. C'est lui qui avait remplacé Gian Gomeshi sur CBC, la chaîne radio. Oui. Ce qui me fait penser à Sébastien Diaz, qui a retiré son émission lui-même à Télé-Québec cette année quand même. Donc, des nouvelles qui sont passées, est-ce ça c'était en novembre. Il a juste dit qu'il, je pense que c'était des questions familiales. Ah, okay, ouais. Qui avait fait le tour, quelque chose comme ça, après plusieurs années d'animation. Donc, un qui a perdu son émission de radio et l'autre qui l'a retiré lui-même. On passe aux prochaines places dans notre résumé de l'année rétrospective 2017 des Palmarès Cifou 89.1 FM, Cifou 89.1 FM, Charts of the Year 2017. Exactement. Pour ceux qui nous écoutent en anglais, avec les sous-titres, j'imagine. Ouais, c'est ça, vous ne devez pas être nombreux. Pour ce numéro 11 en anglophone, c'est The Pretty Reckless avec Oh My God sur l'album Who You Selling For. Et ça s'est rendu au numéro 1 il y a très longtemps, en janvier 2017. Oh là là, et en francophone, eh bien, on n'a pas réussi à se rendre au top 1, mais on est resté en deuxième position quand même pendant deux semaines, du 30 janvier au 5 février, du 13 février au 19 février. Hey, cool, voici Chouchou la Molle d'Autruche. J'ai oublié qu'il disait que c'était. C'était hey, quoi déjà? C'est cool ça. Hey, c'est cool ça. Ouais, c'est quand même pas pire. C'est cool. C'est cool. Hey, c'est cool, cool ça. Ouais, c'est cool ça. Quand ça va bien chez l'Autruche. Apparemment que c'est pas correct quand j'entends des voix qui me disent quoi faire. Je laisserai pas faire, je t'entends, je t'écoute pas. Et moi, ça coûte un bras car ça me prend dans le manche. J'ai plus que les chances, commence à se branler. Chou-chou, c'est vous qui parlez. Chou-chou, je capote pour la crèche. Chou-chou, on est dans ton rôle. Chou-chou, ça aide. Apparemment que c'est pas correct de lever dans le porche, puis que les gentils commencent à chou-chou. C'est vous qui parlez, chou-chou, je capote, je m'arrête, chou-chou. On est l'entendre, chou-chou, ça aide d'en jaser, chou-chou. C'est vous qui parlez, chou-chou, je capote, je m'arrête, chou-chou. On est l'entendre, chou-chou, ça aide d'en jaser, chou-chou. Je ne te vous tous le laisserai pas faire. Je t'entends, mais je t'écoute pas. Très moins ça coûte un bon comme ça. Pendant le manche, il te les chantiles. Comment ça se branle? Je cours, je cours, je cours. Ty Segall. Thank you, Mr. K. Merci, merci, merci. Sur l'album Ty Segall, ça a été numéro 1 au mois de mars. Pendant que du côté francophone, eh bien, on a entendu Félix Diotte avec Je cours et Evelyne Brochu de l'album Politesse qui s'est rendu au premier rang du top francophone du 20 au 26 novembre dernier. Avançons, 11e place anglophone, c'était The Pretty Reckless avec la très bonne pièce Oh My God sur l'album Who You Selling For qui a été numéro 1 en janvier. Et sinon, c'était Autruche avec Chouchou la Molle qui est resté pendant 8 semaines au palmarès. Okay, mais par le fait même, je regarde ça, on est rendu dans le top 10 sans savoir. Eh bien oui! Ben oui, ben oui. C'est comme ça que ça se passe. Tout à l'heure, on va faire un petit tour du top 25 loud. Si vous trouviez ça compliqué, le palmarès... comme on l'a expliqué tantôt, on le réexpliquera peut-être une autre fois tantôt, la façon que c'est décidé, comment la rétrospective est bâtie. Le top 25 loud est encore plus compliqué parce que c'est même pas un top. Non, c'est ça exactement. Donc le mot loud est en guillemets, mais le top pourrait aussi être en guillemets parce que c'est ça. Seulement une liste en ordre chronologique des meilleurs albums loud de l'année. On en parlera tout à l'heure. Mais avant ça, par contre, comme on est entré dans le top 10, ben, la prochaine position, c'est la 9e. Il y en a deux, une en anglophone et une en francophone. Mm-hmm. De mon côté, en anglo, c'est Duo Tang avec Carmanese to Come Around qui a atteint le numéro 1 en janvier et février. Et de mon côté, eh bien, c'est Pony avec Phoenix qui s'est rendu en première position du 6 au 12 mars dernier. Ça fait longtemps qu'on n'a pas dit Petit Pony. Le Petit Pony. Oui, c'est le Petit Pony. Député d'édition spéciale d'Assemblage Requis. Au 89 FM. Oh. Les 9e pièces de l'année, ça c'était Carmanis to Come Around par Duo Tang qui était là pendant 8 palmarès et qui a atteint le numéro 1 en janvier et février. Ok, oui, du côté francophone, c'était Petit Pouni avec Phoenix en 9e position qui est monté jusqu'à la première place du 6 au 12 mars dernier. Ah oui, on a le 2/3 de fait pas mal de notre édition spéciale d'Assemblage Requis, la rétrospective 2017 des palmarès C'est Fou 89,1 FM, C'est Fou 89.1 FM, Charts of the Year 2017. Oh my god! On est worldwide, pas mal. On est rendu au 8e place et on va entendre les 8e et 7e en même temps. Oui, effectivement, parce que du côté francophone, je saute par-dessus une pièce, Mathieu. Non, arrête-moi dans ça. Qu'est-ce que tu sors, là? Mais je vais sauter par-dessus Clopelgag en 8e position et les instants d'équilibre parce qu'on retrouve Clopelgag à deux reprises. Oh, oui! Hein, c'est-tu le fun, ça, pareil? Hey, c'est merveilleux. Pour elle. Ben pour oui. Nous aussi, parce qu'on l'aime bien. On l'adore. On l'aime bien. Donc, 8e position anglophone qu'on va entendre tout à l'heure, ce sera celle de The Dearly Beloved avec I Tried to Leave qui était numéro 1 en décembre 2016 et janvier 2017. Mais sinon, on va entendre la 7e place francophone qui est montée jusqu'en première position du 13 au 19 février dernier pour la première fois et ensuite de ça, du 6 au 12 mars, je parle de la conversion des sauvages avec Jappe le Chien. Et plus tard, on entendra Napalm Pom pour terminer ça avec Get Love, mais on commence avec la 8e anglophone. C'est Dearly Beloved, voici I Tried to Leave. C'est Assemblage Requis au 89 FM. C'est fou. Yeah. Bumper avec Get Love, position numéro 7 anglophone pour cette année 2017. C'était numéro 8 au mois d'avril 2017. Du côté francophone, eh bien, c'était Jappe le chien des Conversions des Sauvages qui est resté au palmarès en première position pendant deux semaines, la première fois du 13 au 19 février et la deuxième fois du 6 au 12 mars. Et avant ça, en huitième, c'était en anglophone de Dearly Beloved avec I Tried to Leave sur l'album Admission qui a été numéro 1 en décembre 2016 et janvier 2017. Eh bien, nous, du côté francophone, Mathieu, on a sauté par-dessus Clopelgag et les Instants d'équilibre. C'est toujours la rétrospective 2017 des palmarès C'est fou 89,1 FM. Le gag, je vais l'arrêter avec l'anglophone, ça, on l'a compris presque. Édition spéciale d'assemblage rock. Yep. On est rendu aux 6e place en anglophone. C'est Bastien de Bass. Ça, je pense qu'on s'en rappelle parce que c'est pas mal encore sur le palmarès. Ouais. Et du côté francophone, eh bien, Mathieu, je t'annonce qu'il y a Clopelgag en 6e position. C'est pas juste de dire Clopelgag du côté francophone, il me semble. Là, comme deux chansons. Oui, mais on l'a sauté. Ah. Mais elle se retrouve au palmarès deux fois. Ah. Voici les Ferrofluides Fleurs. Ah, on a choisi notre préférée. Notre préférée, ouais. Assemblage requis sur C'est fou. Up top, reaching up. doesn't mind. And I know, yeah, this could be the reason. And for my everyday's trying to say, hey, can I take a leap with you? Oh, take a leap with you now. When it's rocky, I'll make it smooth. I'll make it smooth. Yeah, if there's room for two, take a leap with you now. Whoa, honey, I wanna know. Can we get any higher? Position numéro 6, ça a duré 8 palmarès, ça s'est rendu au numéro 1 en novembre et décembre. Et puis du côté francophone, eh bien c'était notre favorite de Clo Pelgag, les ferrofluides fleurs, qui est resté au palmarès pendant 8 semaines et on s'est rendu jusqu'au top 1. Favorite parmi les deux que dans le palmarès. Oui, oui, exactement, c'est ça, il faut le dire. C'est toujours la rétrospective 2017 des palmarès, c'est fou, 89,1 FM. On entre dans le top 5 maintenant. Ok, oui. Oh, ça va vite. Ça se passe très très vite, ça va très très bien. Ça se superpasse. C'est merveilleux. Top 5, donc position anglophone, c'est Parker avec une pièce qui est encore en ce moment dans les palmarès. Non, oh, wow. non, je pense qu'elle nous a quittés récemment. Bref, peu importe, hein, c'est celle qu'on adore. Partner avec Everybody Knows You're High, ça a duré 9 semaines et ça s'est rendu au numéro 1 en octobre et novembre. Et de mon côté, c'est Saratoga avec Danser Lent qui s'est rendu jusqu'à la 5e place du 20 au 26 février dernier. Mais on est quand même resté au palmarès pendant 9 semaines. Aïe, on commence à monter. Plus ça avance, plus les pièces ont duré longtemps parce que c'est le but de la chose. Exactement. Donc Saratoga, Danser Lent tout de suite à Assemblage Requis, édition spéciale. Quand tu vois que j'ai pas quand tu vois to go out. Now everything is cinematic and the Big Lebowski. I'm in the California desert, it's the 1990s. In the dairy section, I see my reflection. Everybody knows you're high. She had to go too. And on the deck while I waited for her to get dressed, sparked up another one. And I was such a mess that I confessed that my professor wouldn't look me in the eye. You see, everybody knows you're high. Parker avec Everybody Knows You're High, qui a duré 9 semaines dans les palmarès cette année. Ça s'est rendu au numéro 1 en octobre et novembre. Exactement. Et du côté francophone, eh bien, c'était Saratoga avec Danser là en 5e position, qui restait au palmarès pendant 9 semaines. Mm-hmm, on est presque dans le top 3. Presque. On est au 4e, juste avant. Entre le top 5 et le top 3, il y a le top 4, c'est bien important. Oui, en anglophone, il y a Bronco avec Falling Free, qui elle aussi a duré 9 semaines sur l'album Modern Mythology. C'était numéro 1 en février 2017. Et en 4e position, eh bien, c'est Chocolat avec Loulou. Elle, on pourrait dire que c'est notre préférée des deux pièces de chocolat qui, vous allez voir, se suivent pas mal de proches. C'est ça, exactement. Peut-être qu'on n'écoutera pas la deuxième. Peut-être pas, on le sait comme ça. Écoutez Assemblage Rocky, édition rétrospective 2017. Au 89.1 FM, c'est pou! Bye.

Go avec Falling Free, position numéro 4 du côté anglophone de la rétrospective 2017. Du côté francophone, eh bien, en quatrième place, c'était Chocolat et Loulou. Loulou! On est rendu maintenant dans le top 3, c'est vrai? Oui. On a atteint notre top 3, il nous reste à peine une demi-heure à l'émission. Ça va super bien dans les temps, hein? Exactement. En troisième place, anglophone, plus tard, on entendra The Pretty Reckless avec Back to the River. Et en deuxième, The Franklin Electric avec I Know the Feeling. Et du côté francophone, eh bien, on saute par-dessus Chocolat. Comme on le disait tout à l'heure. Et en deuxième position, on va entendre Paupières et Rex. Ah, mais commençons par The Pretty Reckless. Allons-y. Back to the River, tout de suite, Assemblage Requis, édition spéciale, rétrospective 2017. There's blue skies all around me, and the world looks just the same. It's hard to be criminal when you all know my name. Sometimes I I'm going back to the river. I'm Franklin Electric et I Know the Feeling, position numéro 2 du palmarès de l'année en anglophone. Ça a duré 10 semaines et ça a été numéro 1 en mars et avril. Du côté francophone, en deuxième position, c'était Rex de Paupières qui est resté au palmarès pendant 11 semaines. On a quand même réussi à se rendre en première position, d'ailleurs du 30 janvier au 5 février dernier. Avant ça, en troisième place, ça a duré 9 semaines, The Pretty Reckless avec Back to the River sur l'album Who You Sailing For qui a été numéro 1 en février et mars. J'avais dit mars-avril tantôt, celui-là c'était février-mars. Exactement. Et du côté francophone, eh bien, on ne l'a pas fait jouer. Par contre, la troisième position, elle est restée au palmarès pendant 9 semaines. On a aussi atteint le premier rang. C'était En Wine de Chocolat, qui est resté là pendant 2 semaines, en fait, du 14 au 27 novembre 2016. Vous écoutez la rétrospective 2017 des palmarès Ifou 89,1 FM. Il nous reste seulement les numéros 1. Ça ressemble pas mal à ça. On les dira pas. Non, on les dit pas tout de suite. On vous les fait entendre. Oui. On dira ce que c'était après. Mais vous allez voir, c'est du bon stock. On aime ça. OK, oui. Tout de suite, Assemblage Requis, édition spéciale. J'aurai pas le trac du kilomètre. blesse que l'air est lent. Oh. On est là, plongé au fond. Héros ou ennemi, personne ne peut le savoir. Héros ou ennemi, qui t'a compté les corps. Avec Saboteur Blues, qui a duré 10 semaines sur l'album Seekers and Finders. Ça a été numéro 1 pendant 2 semaines, du 9 au 22 octobre. Du côté francophone, eh bien oui, vous l'aurez deviné, ou peut-être reconnu, c'était Héros ou Ennemi d'Octoplot, qui est resté quand même au palmarès pendant 11 semaines. On a atteint bien évidemment le top 1 du 16 au 22 octobre dernier. Ça fait pas si longtemps, là. Elle le mérite tellement. Elle le mérite tellement. Oui. Voilà, on a fait le tour de notre rétrospective 2017 des palmarès C'est fou 89,1. Sifu 89.1 FM's Charts of the Year 2017. Merci d'avoir été à l'écoute pendant ces trois heures-là. Merci à toi, Tania Baudin. Merci à toi, Mathieu Plante. Ben, tu n'es plus à sûr. Non, je suis certaine de qui tu es. On se retrouve tous les matins, du lundi au vendredi. C'est mon cerveau qui suit plus. C'est ça, entre 7h et 10h, même pendant les fêtes, il y a plein d'émissions spéciales à notre potluck d'une grosse pointe en dresse 2017-2016, des montages d'une grosse pointe en dresse, le Mathieu Plante Show avec plein d'émissions spéciales aussi. Tout continue pendant les fêtes, donc lundi au vendredi, de 7h à 10h. Et puis, ben, quand même, passez des joyeuses fêtes. Ouais, exactement. À la prochaine. Ayez du plaisir. Oui. Hey, bon café, tout le monde. Bye.